Retro Nouveau. Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de Rétro Nouveau. On commence ça tout de suite en vous remerciant énormément pour le retour une fois de plus. Dominique, je pense que tu avais quelque chose à dire à propos du monde sur Facebook. Oui. Ben, y a beaucoup de monde sur Twitter. Ça répond toujours beaucoup sur Twitter. Et puis, y a des gens à qui on semble avoir peut-être donné le goût de se racheter des consoles rétro. C'est cool, ColecoVision, un autre de mes amis aussi, un Atari 2600. Donc, c'est dur de discuter longuement sur Twitter, puis il y a beaucoup de choses à savoir sur les consoles rétro. Fait que, si vous voulez, envoyez-nous un courriel à info@commercialretronouveau.ca. Puis, je pourrais vous aider un peu là, dans l'achat de consoles rétro parce que, bon, il y a de l'entretien. Où est-ce qu'on les trouve, ces consoles-là? Ouais. Il y a aussi des consoles modifiées. Ça peut être très intéressant. Je connais beaucoup de monde, quelques personnes, en fait, qui en font. Je connais bien du monde. Je connais quelques personnes qui en font. Donc, au lieu d'avoir une prise câble, dans le fond, RF sur votre, sur votre Sega Master System, on enlève ça, on met une prise S-Vidéo. Donc, l'image est vraiment clean. C'est ça, à comprendre la différence, parce que quand tu dis console modifiée, tu dis pas une console avec tous les jeux dedans. Non, je veux dire c'est modifier la façon de la brancher. Exactement. Le pixel est vraiment, là, c'est comme faire un sharpen sur tout. OK. Ça vient super clean. Là. Ah, j'ai vu des screenshots avant, cool. Après, là, au Genesis, là, Sonic, là, c'est fou. Là. Wow. Donc, à peu près 30$ pour faire modifier une console, ça peut être bien intéressant. Puis, si vous achetez un Atari 2600 ou un ColecoVision, je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il y avait une petite boîte TV puis computer qu'il fallait visser en arrière de votre télé à oreille de lapin. Là. Ben là, il y a un moyen de bypasser. Je parle vraiment vite. Bypasser ça. Et puis, sur eBay, une genre de petite plug, là, dans le fond, RF to cable. Là, je ne sais pas trop comment l'appeler. Ouais. Tu branches le fil là-dedans. Tu branches. C'est comme une prise de câble, finalement. Un petit bout en métal qui devient une prise de câble. Enfin, tu visses ça dans le câble, en arrière de ta télé. Donc, pour les vieilles consoles, là, ça vous prend ça absolument. Si vous ne la faites pas modifier, ça coûte 2$ là, sur eBay. C'est vraiment merveilleux. Donc, puis il y a plein d'autres affaires aussi. Si vous voulez un zapper de Nintendo, ça marche pas sur les télé HD d'aujourd'hui. J'ai essayé deux, ça a pas marché. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous conseiller là-dedans. Cool. Yes. Moi, je voulais commencer ça en parlant tout simplement d'un démo que j'ai téléchargé. J'ai été vraiment surpris par ce jeu-là parce que c'est Warhammer 40K Space Marine. Moi, l'univers de Warhammer, là, vraiment, je connais absolument rien là-dedans. Je suis pas un gros fan. T'as pas joué à ça, toi, Donjons et Dragons Warhammer avec ta bande de gars un peu pactés? Non, c'est ça. J'ai pas joué à ça. J'ai des chums qui jouent à Donjons et Dragons. J'ai joué un peu moi avec dans le temps, sans être bien gros là-dedans. Okay. Mais tu connais-tu l'univers de Warhammer? Non, on a joué à Donjons. Okay. Ben, il y a des figurines, mais je pourrais pas te dire là, vraiment c'est quoi la grande différence. Ben c'est ça. Même moi là, j'en parle puis vous parlez à un pee-wee là, j'ai aucune idée de ce dont je parle. Mais tant mieux parce que j'ai téléchargé ce démo-là en voyant une vidéo. Puis quand j'ai vu le vidéo, il avait l'air d'enlever tout ce que j'aime pas justement de Warhammer. Le niaisage, les jeux de stratégie en temps réel. Ouais, je sais que beaucoup de vous autres aiment ça, mais moi j'aime vraiment, vraiment pas ça. J'aime ça quand on passe à l'action tout de suite. Puis c'est ce qu'on fait dans Space Marines. C'est un genre de brawler. On pourrait penser au personnage de Darksiders. Qui se retrouve avec de la technique, puis du jeu de tir, puis du jeu de couverture de Gears of War, et puis aussi du jeu de combat de God of War. Ouais. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment un jeu brutal. T'avances, t'as une espèce de bâton avec une scie sur ton bâton, puis en plus de ça, t'as des armes, t'as des grenades, t'as des fusils, t'as des mitrailleuses. Ton bonhomme est immense, une méchante carapace métallique. C'est le seul bonhomme qu'on a, ça? C'est le bonhomme que t'as, mais t'as différentes classes. Mais le personnage que t'as deux personnes qui sont avec toi dans le jeu, dans le démo. Puis dans le démo, t'avances, puis les orques arrivent devant toi. Puis c'est la première fois que je vois des orques puis que je trouve pas ça drôle, tu sais. Je trouve vraiment que c'est... Parce que les orcs, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça vraiment comique. Ils sont plus menaçants là-dedans. Exact. C'est tout ce qui est elfique, je trouve ça assez comique. Mais là, ils sont vraiment menaçants, sont vraiment terrorisants. Tu les entends crier, ils te sautent dessus. Puis toi, tu vas aller les frapper encore à corps avec ton bâton slash chainsaw. Puis, tu vas faire un mouvement pour les finir, c'est-à-dire de rentrer le bâton dans la gorge de l'orc. Donc, c'est excessivement violent. Il y a du sang partout. Puis, j'ai vu qu'il a ramassé une genre de porte de char aussi, oui, ou en métal pour assommer. Oh oui, c'est vraiment... ramasser des objets contondants. Exact. Je trouve ça cool parce que c'est un jeu à la troisième personne qui prend tout ce qu'il y a de vraiment cool de Warhammer, puis qui l'amène dans un univers peut-être un petit peu plus accessible à tout le monde, tu sais. Moi, d'après moi, en tout cas, après avoir essayé le démo, téléchargez-le maintenant. Il y a une différence. Il y a Space Marines, puis il y a Kill Team. Kill Team est un jeu vu de haut un peu avec dans le genre de ce qu'il y avait eu avec X-Men, qui était un genre de jeu justement un peu aussi comme... Dead Nation ou des jeux comme ça où tu vois ton personnage de haut puis tu tires avec tes deux joysticks. C'est intéressant, mais ça se termine rapidement puis c'est pas exactement c'est pas du tout pas le même univers, mais la même expérience de jeu. Vraiment, faut télécharger Space Marines. Il y a deux types de missions. Dans une mission, on va vraiment, c'est de la baston, on va tapocher tout le monde, on va tirer sur tout ce qui bouge, puis on ressent vraiment l'influence de God of War et de Gears of War. Puis, dans une autre mission, on va nous montrer comment ça marche avec un réacteur. Donc, on va avoir un réacteur dans le dos, on va s'en aller au ciel, puis on va voler. Puis on va aller smasher au sol, on va aller détruire des ennemis. Nice. C'est vraiment cool, c'est vraiment brutal. Téléchargez ça, c'est écœurant. Il est disponible sur XBLA, sur PlayStation Network. Puis je pense que c'est un jeu aussi qui va faire son apparition sur le PC sous peu. Donc, essayez ça à ne pas manquer. Le personnage a une belle armure, il me fait sérieusement penser à Judge Dredd aussi. Oui, c'est vrai. Big, hein? C'est vrai, ça ressemble un peu à Judge Dredd. Moi, c'est ça, les personnages, même quand ils regardent, on dirait des genres de prêtres ou je sais pas. Ben, c'est parce qu'il y a une petite coupe sur le côté, puis il y a des badges. Ouais, c'est ça. Parce c'est... qu'ils ont comme une genre de jupe, je sais pas comment on appelle ça, un rectangle qui pend. Ouais. Ça fait très paladin, ça. Mais c'est un méga mix, c'est le genre d'affaire que moi, sur papier, j'accroche pas pantoute. Puis là, vraiment, là. Ah, ben, c'est pas pareil, là. Un jeu vidéo qui brasse de même. Non, c'est ça. Exact. Mais ça bûche, télécharger ça au plus vite, c'est vraiment bon. Le jeu sort, je crois, le 6 septembre. Je vais être au magasin, moi, c'est certain. Là, je sais pas si les critiques vont être bonnes, mais ce que j'ai joué jusqu'à date, j'adore. Donc, une petite discussion encore cette semaine sur un sujet qui nous... ma foi, qui fait partie de notre vie. La vie de famille versus le gaming. Ouais. Parce qu'on l'a déjà mentionné, on a chacun un enfant. Bientôt, Bruno va en avoir deux. Eh oui, dans pas long. Ouais. 21 septembre. Yes. Puis, je sais pas, là, je pense que les gens qui écoutent notre podcast, ils ont des âges assez variés. Ouais. Donc, si vous avez 15 ans, sentez-vous pas rejeté. Peut-être si vous allez à l'école. Mais ça vous attend, par exemple. Ça vous attend. Ça vous prend au bout du nez. Dans le fond, c'est un peu comment gérer sa vie de gaming avec sa vie normale. T'sais, que vous ayez à l'école, les examens, les fins de session, que vous ayez un enfant. On aime tous jouer à des jeux beaucoup. Ouais. Puis, mais comment faire pour trouver le temps? C'est tough, hein? Moi, ça dépend. Moi, c'est sûr qu'avec Monsieur Net, ça fait... Tu sais, c'est une job aussi, dans un sens. Fait que tu peux dire à ta blonde, désolé, chérie, je travaille. C'est ça, tu sais, je travaille. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie que c'est du travail, mais aussi, moi, je pense que quand on est un gamer hardcore, puis qu'on peut dire littéralement jusqu'à ce point qu'on a même un problème parce qu'on joue tellement, un peu comme moi... quand c'est rendu une partie aussi grande, je pense qu'il faut que tu aies le plus de consoles possibles, faut que tu aies le plus de moyens possibles de pouvoir jouer. Mm-hmm. Quand tu as un enfant, des fois ton enfant est en train de faire quelque chose, comme moi, mettons, je me suis donné aussi une autre barrière, c'est que je ne joue pas aux jeux vidéo devant mon enfant. Ah, moi avec, c'est ça. Je veux pas y mettre ça dans la tête. Puis je veux dire, à un certain point, c'est sûr que j'ai une petite fille, c'est sûr et certain qu'elle va me voir jouer à un jeu vidéo. Puis elle va peiner par savoir c'est quoi. Mais là, tu sais, à 3 ans. Pas les brancher là-dessus. Là. Exact. Tu sais, je souhaite ça. Ne pas les brancher là-dessus puis qu'ils fassent leur propre choix. Mais moi, ce que je fais, c'est la plupart du temps, je vais jouer quand elle va dormir. Mettons que c'est l'heure de la sieste ou mettons que ma blonde elle se couche tôt le soir, ben je vais jouer aussi, mais je vais tout le temps jouer à des moments où eux autres sont pas là. Ouais. Ou des fois, ma fille est vraiment concentrée dans un jeu qui joue seule, qui joue sans moi, elle fait des affaires, elle n'a pas besoin de moi, ma blonde n'a pas besoin de moi, ben je vais me sortir une console portable. Ah, moi, les consoles portables, je les suis depuis le premier Game Boy, puis je les trouve très, très, très pratiques pour ça. Ouais. Je suis parti toute la fin de semaine, j'étais en Beauce dans la belle famille, puis j'ai amené ma 3DS, j'ai pu continuer une couple de jeux. Le soir, moi, j'ai pas de jeu dans ma chambre, mais j'ai une console portable Game Boy Advance, je sors ça, j'essaye un autre jeu. C'est très pratique. Je sais que ça peut paraître bizarre de jouer à la maison avec une console portable. Moi, je prends plus le métro maintenant parce que je suis proche du travail, mais vraiment, là, il y en a une drette là à côté. Je peux la prendre tout de suite, et ma game est sur pause, puis bang, je commence à jouer immédiatement. Ça, c'est très, très pratique. C'est certain. Mais j'essaye, moi aussi, de jamais... T'sais, si ma famille font de quoi, on s'en va quelque part, t'sais, jamais que je vais pas y aller parce que je joue à quelque chose. Ben non, là, ben non, c'est sûr. Si le petit se réveille, ben j'arrête ça puis je joue avec. Là, ouais. C'est vraiment d'essayer de trouver des trous là, par-ci, par-là. Puis les sommeils, les dodos, les trucs comme ça. Mais ça se passe beaucoup le soir, là, vraiment. Ouais. Moi, à partir que les enfants sont couchés, là, c'est là que ça se passe. Non, c'est certain. Ça fait qu'on se couche tard aussi. Hein, ça fait qu'on se couche assez tard. Moi, j'ai... Tu sais, je veux dire, il y a aussi des moments où, bon, ma blonde, admettons, elle lit beaucoup. Fait qu'elle lit un méchant bon livre. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je vais faire du gaming, tu sais. Ouais. C'est ça parce que, veux pas, faut... Je pense aussi, jusqu'à un certain point, si t'es un hardcore gamer, faut que ta blonde finisse par le comprendre aussi. Puis... peut-être pas t'encourager là-dedans, mais comprendre que pas c'est un besoin. C'est ça, puis que comprendre que c'est ça ton hobby, que tu collectionnes pas des timbres, t'es pas un gars qui lit des gros romans. Fait que toi, ton gros roman ou ton gros film que t'aimes écouter, ben c'est un jeu vidéo. Puis c'est une forme d'art comme un autre, puis c'est un hobby comme un autre. Puis les gens ont besoin quand même jusqu'à un certain point de respecter ça parce que c'est vraiment un hobby comme n'importe quel autre. Si tu peux pas arrêter de faire ton hobby préféré, c'est ça. Tu vas être malheureux dans la vie. Là. Exact. C'est pas plus compliqué que ça. Si t'aimes les fleurs, ben écoute, étudie les fleurs, achète des livres de fleurs. Si on t'empêche de t'intéresser aux fleurs, tu seras pas bien. Mais c'est d'être avec la bonne personne. Là. Nous, on a une blonde très compréhensive. Moi, ma blonde, ça ne dérange pas du tout. Là, du moment que je néglige pas la famille, c'est même pas elle qui m'a dit « néglige pas ta famille ». Je dis ça, je suis pas câble. Mais c'est non, ça, elle comprend très bien, puis elle se couche. Puis là, avec Retro Nouveau, ben, ça donne l'ouvrage quand même. Là. Ouais. Moi, hier soir, je fouillais, puis je rédigeais, puis elle était couchée, elle était rendue minuit. Là, mais c'est bien correct. Là, dans le fond, ses passions, là, les miennes, j'ai les miennes, puis... mais c'est ça, elle a pas les miennes non plus, je la force pas c'est à s'intéresser ça, exactement. Aux jeux vidéo. Elle, ça l'intéresse fuck all. Ouais. J'essaie, tu sais. Ah, moi non plus, ça l'intéresse elle pas tout. Elle veut pas pas tout. Mais j'aime mieux ça. Ouais, c'est ça, on joue de notre bord, puis on a pas à forcer la passion chez l'autre non plus. Non, pas du tout. Sinon, personne va avoir de fun. Là, non, puis moi j'ai besoin du yin à mon yang. Là. Si j'avais pas une personne qui est avec moi, ouais, qui ça deviendrait lourd. Hein, si elle jouait aux jeux vidéo, là, je ferais rien que ça, j'aurais teint gris, je deviendrais misérable. Là, c'est serait jamais point. En voyage. Oui, c'est ça, rien. Vraiment, là, je ne serais jamais sorti de ma maison. Fait, quand même, c'est ça. C'est important d'avoir une personne qui est avec nous autres qui comprend ça. Puis aussi, moi, quelque chose qui arrive avec le temps, concilier tout ça, c'est aussi que je fais des choix maintenant. Ouais. Avant, je décidais vraiment de jouer à tout. Je voulais jouer à tout. Maintenant, des fois, je fais juste comme, ben regarde, j'ai pas joué, that's it. Ben oui. Comme présentement, là, j'ai pas joué à Portal 2. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est un crime. Ouais. Mais regarde, c'est pas à cause que je fais des critiques à TV que je vais jouer à tout. Au contraire, je suis un humain aussi, ben, puis il faut que j'aie le temps, tu sais. Mm. Il y a des grands jeux de même qu'on peut découvrir là, vraiment plus tard. Ouais, c'est pas grave. Pas en tout. Là, exact. L'actualité, tu peux la suivre, mais tu peux pas toujours non plus là, écouter les nouvelles et suivre ça. Là. Surtout que si t'es critique ou si tu fais si tu fais des critiques dans un podcast, à la TV, à la radio, dans les journaux, veux pas, tu te concentres sur certains titres, puis pour faire des bonnes critiques, faut vraiment que tu te concentres. Ah, oui. Si tu fais juste gratter toutes les surfaces, là, t'auras jamais de profondeur. Exact. Si t'en fais trop, ça fonctionne, ça va donner des critiques moyennes, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux me concentrer sur certains jeux. Cette semaine, entre autres, je fais Monsieur Net cette semaine. Cette semaine, je fais pas de critique à Monsieur Net. Je vais être là, mais je fais pas de critique. Donc, à ce moment-là, je joue à un autre jeu qui est finalement la critique pour Rétro Nouveau. Puis j'ai bien du fun. Puis présentement, c'est très frais dans ma tête. Puis je pense rien qu'à ça. Puis ça va faire des bonnes critiques. Mm. Ah, moi, en tant que collectionneur, il y a un autre point aussi important. L'espace dans la maison. J'ai eu des troubles avec ça. Oui, hein? On vient d'acheter une maison, ça fait 6 mois à peu près, puis on était en appartement avant, puis j'ai bien du stock, là, des consoles. Elles sont toutes énumérées dans ma section fac sur mon blog de Papa Cassette, mais j'en ai un méchant paquet, tu sais. Ouais. Puis plus les consoles sont vieilles, plus elles sont grosses, tu sais. c'est 7800, c'est pas mal plus gros qu'un PlayStation 2 Slim, là. Fait que ça prend de la place, tout ça. J'avais tout ça dans ma chambre à coucher avant, là, au pied de notre lit, là. Ça faisait pas très beau. Non. On déménageait. Fait que c'est correct. Ouais. Mais tu sais, il faut manager l'espace. Puis je me rends compte que je pourrais pas accumuler, à moins de m'acheter un manoir, là, un jour peut-être. Mais j'ai pas assez d'espace pour tout ça. Tu sais, ça fait qu'il faut que je revende, il faut que je check. C'est vraiment de la gestion aussi. Ouais. Parce qu'on veut refaire le deuxième salon ici, parce qu'on a un deuxième salon qui est pas très grand. Puis tu sais, dans ma tête, moi, j'ai un petit peu envie d'en faire un salon gaming. Ouais. Bien décoré, tu sais. Mais moi, mon meilleur truc pour ça, là, parce que je fais la même chose chez nous, c'est des grandes armoires avec des portes. Ouais, hein. Tout est caché. Ouais. Là, tout passe bien. Parce que aussi, on s'entend que. Mais moi, je trouve ça beau. Ouais, c'est ça, nous autres. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle étagère pleine de vieilles cassettes, bien alignées en ordre alphabétique. Moi, je mettrais ça mur à mur. Mais c'est tellement pas tout le monde qui pense ça, là. Moi, je veux dire. Dès que le monde voit mes jeux ou quelque chose, ils font comme. Ouais, tu sais, c'est. Ouais. C'est comme dans le temps de mettre ses CD dans un rack à CD sur le mur, là. Tu sais, à un moment donné, tu dis, bon. Faut enlever ça. Là. C'est ça. Fait très beau dans le décor. Exact. Mais, c'est ça. IKEA peut être un bon exemple. J'ai trouvé une super bonne armoire là-dedans. Tu sais, il faut fouiller un peu, peinturer les armoires peut-être pour qu'ils fitent dans le décor. Ça peut bien passer. Mais c'est sûr. On accumule là, quand on collectionne vraiment. Ça fait que. C'est comme les collectionneurs de bonhommes en vinyle puis tout ça. Ah, ouais, les figurines. Hey, ça prend des présentoirs. Mais ça prend tellement de place. Ça prend des présentoirs. Il y en a qui sont aussi très présentables. Puis d'autres qui ne le sont pas. Fait que si t'as une blonde, un chum, ça se peut qu'il y ait de la misère avec ça. Là, Ben, tout est. Écoute, la vie est faite comme ça. On n'est pas millionnaire personne. On ne peut pas avoir des manoirs. Puis il faut qu'on travaille. Puis il faut qu'on ait des familles. Ah non, c'est certain. Je sais que Denis, il y en a en tabarnouche des bebelles. Mais lui, justement, il s'est préparé une petite place dans son manoir. Puis tout est là. Hey, moi, j'aimerais ça me louer un local éventuellement, juste pour mettre mon stock. Tu sais, comme ça, quand c'est prêt, j'y vais. Puis tout est branché là-bas. Les jeux sont là. Tout est là. Tu sais, un genre de petit spot. C'est quoi, ça serait comme dans The Matrix où t'arrives à une place, t'as plein d'écrans qui s'allument avec tes consoles. OK, let's play. C'est génial. Mais tu sais, je loue déjà un local pour le bureau. Ouais. On a loué un local pour ça, les trucs de couture. Oh, puis là, ça ferait comme louer un autre local. Ça commence à être cher aussi. Peut-être quand le petit va être parti dans la maison, je vais récupérer sa chambre ou je sais pas quoi. Mais c'est dans un bout là, peut-être que tu vas avoir trouvé une autre solution machiavélique pour ça. Je verrai. La micro-organisation de IKEA, ça peut faire, des miracles. Alors, critique rétro nouveau d'aujourd'hui. Ça fait un bout qu'on n'avait pas fait. Yep. On n'avait rien que fait une. Ça faisait un bout. On vous avait dit que ça prenait du temps à préparer ça, et c'est vrai. C'est la critique de Yars Revenge. Encore une fois, cette semaine, aujourd'hui, un jeu d'Atari que je vais vous présenter, qui a eu sa version refaite. Sur XBLA. C'est ça. Sur Xbox 360. Donc, la version Atari, ça a été fait. C'est un jeu original de Atari. Donc, pas Activision, pas n'importe qui, c'est Atari. Donc, c'est vraiment un classique, 1981. Okay. Ça a été fait par Howard Scott Warshaw. Est-ce que tu connais ce nom-là? C'est qui ça, Howard Scott Worsham? C'est un gars qui a passé à l'histoire pour avoir fait deux autres jeux d'Atari, Raiders of the Lost Ark. Ah, ben oui. Et pas Ark, Ark, parce que c'est un des pires jeux d'Atari. C'est tellement compliqué et incompréhensible. Puis il a fait E.T. aussi. Ah, le downfall d'Atari, la chute d'Atari. E.T., Colin. Mais étrangement, Yars Revenge, c'est ça, c'est le meilleur vendeur d'un jeu original de Atari. Tu sais, ouais. Pac-Man, ça compte pas parce que c'est un port, dans le fond, de l'arcade. Mais Yars, c'est un titre original, c'est le meilleur vendeur, ça. Fait que le gars, il est parti fort, tu sais, son année recrue. Puis après ça, il a fait la merde, puis il a coulé la compagnie. C'est dit, je l'ai! Fait que là, il plus rien d'autre. Il s'est assis sur ses lauriers, puis il a fait. Beginner's luck. Donc c'est ça, mais c'est quand même un petit peu un port, ça, Yars Revenge, parce que ça vient d'un jeu d'arcade qui s'appelle Star Castle, qui a été développé par une compagnie qui s'appelle Cinematronics. Là. Eux, ils étaient bien populaires pour leurs jeux en vecteur là, à l'arcade. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre un screenshot de ça ou de la vidéo là, Star Castle sur le blog. C'est quand même sweet. Donc, au centre, t'as un canon entouré de trois boucliers. Okay. Toi, tu tournes autour, puis tu tires pour essayer de perforer le bouclier jusqu'à ce que tu puisses shooter le canon. Même principe de contrôle qu'astéroïde, disons. Oui, vraiment, là, quand un petit vaisseau il se promène, là, ça a l'air. Quand tu pars d'un bord de l'écran, tu reviens de l'autre. Puis t'as deux petites torpilles, là, deux missiles qui te suivent tout le temps pour essayer de te buter, dans le fond. Okay. Et de la minute que t'as perforé le dernier bouclier, tu sais, tu peux shooter le milieu, mais le milieu aussi peut te shooter. Okay. Fait que c'est parti de là. Et puis, la version Atari, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime de ces jeux-là, c'est qu'au lieu d'être comme Space Invaders, tu sais, tu te fais envahir par les méchants de l'espace, c'est toi l'envahisseur, tu sais. C'est cool, ça. C'est à l'envers, comme Missile Command, tu reçois des missiles, ça attaque. Là, c'est toi, tu sais, qui essaye d'aller péter la base de l'ennemi. Donc ça, moi, je trouve ça, pour le temps, tu sais. C'était comme une première, là, C'est assez nouveau, donc c'est vraiment le fun. Puis, Yars Revenge, je sais pas si t'as vu le cover, là, c'est quand même... Mais moi, c'était ça, j'avais un Atari, puis c'est un jeu que j'ai acheté à cause du cover. Ouais. Une espèce de mouche métallique, la mouche blaste, elle fonce dessus, tu sais. Ben d'ailleurs, la plupart des jeux d'action d'Atari dans le temps étaient un cover de feu, là. Ouais. C'était tout le temps des dessins. Le Atari, tu joues à ça. C'est rien, tu sais. Okay. Mais en tout cas, ça aidait. Fait que ça le méritait quand même. Donc, comme je disais, c'est que le jeu a tellement été modifié, l'adaptation de Star Castle, que c'est devenu un nouveau jeu lui-même. Puis, pour t'expliquer ce jeu-là, je vais te faire un court résumé du comic book qui venait avec la cassette. Parce qu'Atari était fort dans ce temps-là, ces comic books. Il y avait Atari Force, fait par DC. Oui. T'sais, c'était fait par DC. Il y avait Millipede, je pense qu'il y avait un comic qui venait avec, puis il y en avait d'autres. Donc, c'est vraiment un outil là, de marketing là, qui marche bien. Bravo Atari, dans ce temps-là, vraiment, les systèmes de patch, les comic books, tout ça, ils pushaient. Là. Fait que je comprends qu'Atari était bien big dans ce temps-là. Caline. Puis aussi, ben, ça aide aussi l'imagination, hein, un comic book. Ben oui, c'est ça. Ils t'inventent toute une grosse histoire. C'est bien drôle. Donc, le comic book s'appelle The Quartile Ultimatum. Je vais partir du début. Dans l'histoire, les hommes partent en excursion spatiale dans un vaisseau pour aller explorer. Là, simplement, ils rentrent de la bouffe et tout. Puis apparemment, ce vaisseau-là est plein de mouches. Je sais pas pourquoi, quand c'est le temps d'aller voyager dans l'espace, personne check ça, il y a des mouches dans le vaisseau. Fait que le vaisseau part, puis là, il se passe whatever, il explose, tu sais, ben, il pogne en feu, puis il crash sur une planète. Puis là, ça devient bien radioactif, tout ça. Tu sais, qui dit radioactif, dit change, donner des pouvoirs. Les mouches se mergent avec les humains, puis la radioactivité, puis deviennent des hommes mouches. Donc, les Yars. Et puis, le pouvoir d'un Yar, c'est d'être capable de manger n'importe quoi, puis de leur cracher en missile. Très pratique. Ça fait que. C'est vrai. Tiré par les cheveux un peu. Donc, vous allez comprendre plus tard à quoi ça sert tout ça. Puis, c'est ça. Les Yars ont peuplé une couple de planètes autour, à peu près 4, je pense. Puis, ils ont construit un beau gros canon qui s'appelle le Zorlon. Zorlon. Je vais dire Zorlon. Puis, juste pour se backer, là, s'il allait avoir une attaque un jour. Et qu'est-ce qui n'arrive pas? il y a une attaque à un moment donné. Mais le Zorlon n'est pas complété. Donc, les envahisseurs, c'est les Quartiles. Ils attaquent une des planètes qui ont, que les Yars ont pris, puis ils la détruisent. Okay. Fait qu'encore une fois, la radioactivité fait que là, il y a comme une zone radioactive. Puis, les méchants s'installent sur la lune de cette planète-là. Donc, toi, t'es de ton bord avec le Zorlon canon et tout ça. Oui. Un champ de radioactivité dans le milieu, mm-hmm. puis l'envahisseur, les méchants Quartiles au bord, sur la lune, entouré d'un bouclier. Fait que là, c'est ça. Le plan, c'est d'utiliser le Zorlon, le canon Zorlon, pour tuer le Quartiles de l'autre bord. Oui. Fait que toi, le Yar, tu te mets ton saut, puis tu pars. Fait que vu que tu manges n'importe quoi, tu fonces sur le bouclier qui est à droite. Là, je suis rendu dans le gameplay, j'explique le jeu. Ben oui. Il y a comme la base ennemie à droite avec un shield autour. Toi, tu le gruges, là. Ça fait oui. Puis là, quand tu n'as grugé un bon bout, il y a un petit bout de lumière qui apparaît de l'autre bord de l'écran. Ça, ça veut dire que le Zorlon est armé, là. Tu sais, il est prêt à tirer. Ah, donc, quand t'en as assez grugé, puis tu tires des balles aussi, puis tu fais un trou dans le bouclier, ben là, il faut que tu payes sur le seul bouton pour que le canon Zorlon tire okay. bord en bord de l'écran pour péter le Quartiles. Puis toi, il faut que tu t'enlèves du chemin, hein. Parce que vu que le Zorlon n'était pas complété dans le comic book, ils n'ont pas eu le temps de setter le système. Ah, ben, ça un peu, c'est tellement bon. Ils n'ont pas eu le temps d'arranger le visu du canon. T'sais, le canon, il ne vise pas. Il tire tout le temps en ligne droite. Okay. Il se passe sur toi, t'es où dans l'écran pour shooter. Fait que c'est ça, dans le fond. Tu attaques à droite, tu tires, tu fais des trous dans le bouclier, tu en manges des morceaux pour armer le canon. Et puis, quand là, tu as un bon trou, tu sais, puis tu vois que ça s'enligne, tu payes sur le bouton, puis là, le canon, il shoot. Okay. Et ça fait exploser. Ça fait exploser la base ennemie. Okay. La zone neutre dans le milieu, ben, tu peux aller là n'importe quand pour te protéger. Ça te protège, c'est ça. Il n'y a personne qui peut te toucher à ce moment-là. Est-ce que tu peux tirer quand tu es dans cette zone-là? Non, tu peux pas. Mais aussi, j'ai oublié de dire, il y a tout le temps un petit missile qui te court après. Ouais, là, c'est ça. Te chercher, continuellement. Fait que là, quand tu es dans la zone neutre, il ne peut pas te toucher. Tu sais. Okay. Mais toi, tu ne peux pas tirer non plus. Tu ne peux rien faire. Donc, c'est ça. Puis, plus que tu avances, ouais. plus que ce petit missile-là à tête chercheuse va vite. OK. Puis aussi, la base ennemie, des fois, elle se transforme en genre de balle de feu, disons, là, qui tourne. Ouais. Puis elle te fonce dessus. Ça, ça s'appelle un swirl. Ah oui, je l'ai vu, ça. Il l'explique aussi, ça, dans le comic book. Ouais. Donc, les swirls t'attaquent, le petit missile t'attaque. Puis, si tu tires dessus avec les Zorlons, ça aussi, ça t'attaque. Alors, il y a du pain sur la planche, là, vraiment. Et moi, j'aimerais dire, là, que l'univers sonore, là, est extrêmement chaotique. Écoutez ouais. ça, tabarnak. C'est la trame de fond, ça fait. Vraiment, là, il y a énormément de matériel, là. C'est comme... Moi, c'était l'affaire qui m'énervait le plus quand j'ai joué à ça. Ouais. Parce que j'ai joué, là. C'est très lourd, là. Mais écoute, moi, je trouvais pas ça bien bon quand j'étais petit, là. Puis j'ai joué pas mal dernièrement. Puis... J'ai assez de moi, j'aime ça. J'ai trouvé ça pas pire. Ouais. Finalement, j'ai eu du fun. Mais le petit missile, il se met à aller tellement vite ouais. qu'à un moment donné, là, t'as même plus le temps de penser. Là, tu fais juste te sauver de lui. Puis là, tu prends une fraction de seconde pour shooter ton missile pour essayer de péter la base. T'sais. Mais des fois aussi, quand la base, elle twirl, ouais. elle swirl, puis elle fonce vers toi, puis elle le fait de plus en plus vite. Elle aussi, ouais. au début, elle vire, puis là, elle part. Puis elle, vers la fin, sans crier gaffe, c'est fou, à part tout de suite. Tabarnouche. Fait que tu peux la happer au vol avec okay. eux autres. Ça peut être bien pratique, ça. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est un bon petit jeu, 5$, là, un must pour votre Atari 2600. Puis aussi, juste pour vous dire, le Yar, Y-A-R, ouais. ça vient, c'est le prénom à l'envers du CEO de Atari dans ce temps-là, Ray. Ah, oh, ouais. Puis son nom de famille, j'ai oublié son nom, j'ai oublié de le prendre en note, là, mais okay. le nom, en tout cas, des planètes où est-ce que les Yars s'installent, mettons que c'est ouais. Rassa, tu sais. Ouais. C'est le nom de famille de, okay. de Ray Rassa. Fait que tout est basé, dans le fond, sur le nom du CEO dans ce temps-là. Ah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que si on suit l'histoire dans la version oui vraiment hein? question de recruter Michel derrière du CEO. Donc j'ai hâte de voir dans ta version si on gardait un peu l'historique de ça. Là. Yars Revenge, bon le remake, ça s'est fait maintenant en 2011. C'est publié par Atari, puis c'est développé par Killspace, une petite compagnie que je connais pas énormément. C'est sur XBLA et ça coûte 800 points, donc environ 10$. Pour ce qui est de l'histoire, là, vraiment, là, je te dirais qu'ils ont probablement regardé le comic book, tu sais. Ouais. Parce que t'es Yar, finalement. Yar, c'est une fille. T'es comme la dernière des Yar, puis on ah t'appelle ouais. Yar. Puis t'es une fille à quatre bras avec des ailes cybernétiques. Ouais, t'sais. C'est pareil, ouais. Fait que c'est pas mal. Mais pareil, c'est-tu un saut, t'es là? Non, c'est ailes, un saut, c'est ça la passe. C'est pas tes ailes. Pas collées sur toi. Non. Sauf que je trouve ça quand même drôle d'avoir un saut à quatre ailes pour une fille qui a quatre bras. T'sais, tant qu'elle y mette quatre bras, mettez-y donc des ailes. Ouais, là, c'est pas grave, t'sais. Puis tout est présenté de façon très manga, donc ça, c'est ce côté-là est vraiment intéressant. La première affaire qu'on remarque quand on joue au jeu, c'est son look. Vraiment, visuellement, le jeu est impeccable pour un petit jeu en téléchargement. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là. On est toujours contre les cotères, je pense. Ah ouais, cotères, OK. Oui, on est toujours contre ces bébêtes-là. Ce qu'on dit, c'est que c'est une race d'insectes qui s'est retrouvée dans l'espace. Il y a eu une grosse explosion radioactive, ouais, qui les a transformés en une race épouvantable, un peu mutante, un peu dégueulasse. Donc là, on est sur une planète, puis il faut qu'on détruise tous ces ennemis-là. Ce que c'est essentiellement, c'est un jeu de tir sur rail. Donc vraiment, si on regarde Year's Revenge sur Atari 2600 et Year's Revenge sur XBLA, on se retrouve avec deux jeux complètement différents. Il n'y a pas grand-chose pour nous... Pour nous dire que les deux jeux ont vraiment un rapport l'un avec l'autre, sauf si on regarde l'histoire. Ouais, c'est ça. Parce que sur Atari, c'est statique, ça se passe toujours autour de du même endroit. C'est ça. Là, t'avances. T'arrives-tu quelque part à un moment donné? Ben oui, tu finis par arriver à un boss. Ce que je trouve qui est pas pire, justement, pour ce qui est des références par rapport à l'original, il y a toujours un bouclier. Ton bouclier, à la place d'être une ligne au milieu de l'écran comme dans la version Atari, ouais, c'est un bouclier que tu peux, toi, activer quand, ouais, tu le ramasses. Puis, quand tu as ton bouclier, tu peux pas tirer. Okay. Ça, c'est très bête parce qu'un bouclier, dans les jeux, maintenant, ça sert à foncer dans le tas puis à tirer pendant un bout de temps parce que tu es invincible. Mm. Chose que tu peux pas faire à ce moment-là. Ben, au moins, ils sont restés raccord avec le C'est ça, ils sont restés raccord. Mais ça l'a rien utile. Il y a aussi le canon dont j'oublie le nom, là, Zorlon, c'est ça. Ouais. Ce canon-là, tu peux l'avoir jusqu'à un certain moment, puis ça va te permettre de détruire tout ce qu'il y a à l'écran. Ah, cool. Donc, ça, c'est intéressant. Le jeu, il y a une forte ressemblance entre Panzer Dragoon, ouais, ou Sin and Punishment. C'est le même genre de jeu que tu contrôles ton personnage avec un joystick et tu contrôles ta mire avec l'autre. Le problème, c'est que les gens qui ont travaillé sur le jeu n'ont pas vraiment bien fait leur classe parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui font qu'un jeu comme ça fonctionne. Puis là, ces éléments-là sont tout croche. Les contrôles, ça fonctionne pas super bien parce que notre personnage bouge tellement vite puis on doit éviter énormément de tirs ennemis. Puis la cible, c'est vraiment difficile d'aller vers les ennemis parce qu'ils sont à gauche et à droite. Ça se barre pas vraiment sur un ennemi, ouais, comme ça tel. Ça loque jamais. Ouais. Ça loque pas. Puis en plus de ça, dans les autres jeux, normalement, quand tu vas passer par-dessus des ennemis, un peu comme dans Rez ou Panzer Dragoon ou même Star Fox 64, ouais, on se retrouve à locker des ennemis puis après ça leur lancer des missiles. Mm-hmm. Puis nos missiles sont illimités, évidemment. La plupart du temps, ils se rechargent ou quelque chose du genre. Là-dedans, il faut que tu ramasses tes missiles. Ah, ouais. Fait que là, tu mitrailles avec ta mitrailleuse puis là, tu dis, bon, je vais en tuer 6. Fait que là, tu tires les 6. Non, il te restait gang 5 missiles. Là. Fait que là, tu tires 5 missiles. Fait que des 30 ennemis qu'il y a à l'écran, t'en as tué 5 misérables, dont peut-être un qui est pas mort parce qu'il faut que tu le tires 30 coups avant qu'il meure. Oh, Dieu. Ben, si celle-là, t'es ramasses où? À force de tuer du monde? Ben, à force de tuer des ennemis, tu finis par les pogner, ça devient des petits médaillons qui t'épognent. Donc, il y a plusieurs armes à ramasser. Il y a une espèce d'arme électrique. Il y en a un autre qui lance des petits lasers. C'est des armes qui sont bien, mais qui sont pas impressionnantes. Malheureusement, quand on les attrape, la plupart du temps, on finit par avoir le réflexe de pas les utiliser, oui, hein, parce que ça nous sert pas vraiment. C'est pas vraiment puissant. Fait que on s'en fout un peu. Aussi, une chose qui est absolument incroyable, puis ça, c'est... J'étais allé voir les gens qui ont joué, puis tout le monde dit la même chose. Le niveau normal a aucun sens. Ah ouais, c'est le niveau, dur. C'est dur, ça... pas d'allure. Il n'y a personne qui est capable de terminer le premier tableau au niveau normal. Puis ça, ça s'est retrouvé sur des boards, ça s'est retrouvé un peu partout. Le jeu a mangé une méchante claque à cause de ça. Puis c'est très comprenable parce que c'est vrai que c'est trop dur à normal. Après ça, tu le mets à facile parce que tu te dis, moi, je me suis dit, bon, je viens de dépenser 800 points pour ça, Colin, je vais faire le premier tableau. C'est ça, je vais avoir plus de stock. Fait que je l'ai mis à facile, puis à facile, c'est trop facile. Ah ouais? Fait que comme pas d'entre-deux. Parce que là, à ce moment-là, quand tu le mets à normal, quand un ennemi tire dessus, t'as 100 unités d'énergie. Mettons qu'un ennemi tire dessus, ça va t'en enlever 10 ou des fois 15. Des fois même, ça va t'en enlever une trentaine d'unités. Fait que c'est assez difficile. Quand tu te retrouves avec une trentaine d'ennemis à l'écran, t'as de la misère à trouver où est ton personnage puis où est ta mire. Ben, c'est ça. Que t'as trop d'affaires à contrôler, trop d'ennemis à gérer, trop d'armes à gérer. Ça devient là un énorme gâchis, puis tu finis par mourir assez rapidement. Quand tu tues quelqu'un aussi, il y a comme un pointage, dans le fond, les points qui te donnent apparaissent. Ouais, il y a un multiplicateur aussi, les points apparaissent. Puis c'est ça, l'affaire qui arrive, c'est qu'en mode facile, on perd une unité de la fois. Okay. Là, c'est trop facile, parce que je veux dire, de perdre 100 unités, même dans un jeu hardcore, c'est pas évident. Là. C'est sûr que tu mourras pas. Fait il y a ça, puis pour ajouter au chaos épouvantable, ben, t'as du monde qui te parle en même temps. Fait que tu suis l'histoire dans le coin droit en bas de ton écran. T'as une espèce de vieux chaman qui te parle, là, oh yeah, you're doing it good, yours, puis il te donne des trucs, puis tout ça. Mais t'arrives pour le lire, mais t'as à peu près 40 affaires à l'écran qu'il faut que tu gères. Fait que c'est impossible de continuer à s'investir dans l'histoire. L'histoire, on finit par s'en foutre aussi parce que malgré le fait que ce soit beau, c'est une image. Une illustration, puis on fait des zoom-in, zoom-out dedans, un peu comme tu vois dans des espèces de spéciaux à télévision. C'est pas cinématographique. Non, c'est pas une cinématique en 3D. Ouais, là. C'est vraiment juste une image qu'on bouge, qu'on grossit, qu'on rapetisse. Donc ça, c'est vraiment plate. J'ai trouvé ça aussi, les batailles de boss, je les ai trouvées vraiment insignifiantes. Il n'y a pas vraiment de technique, c'est juste... tire la bébite le plus que tu peux puis évite ses tirs. Puis essentiellement le jeu c'est tout le temps ça, c'est tire la bébite puis évite ses tirs. C'est tout, c'est un jeu sur rail, donc le tableau avance pour toi. On aurait l'impression qu'il faudrait que tu évites certains rochers. Ouais, c'est ça, on dirait que ça t'arrive d'en face, mais pas cogne, vraiment. Si tu te cognes, tu te cognes pas vraiment dedans, ben tu te cognes pas, à vrai dire. Okay. C'est que t'avances puis ça passe à côté finalement. Ouais, c'est ça. C'est comme une espèce d'illusion. Fait que moi, ce jeu-là, c'est une gigantesque déception. Là, j'ai trouvé ça pénible. Là. J'ai trouvé ça tellement pénible jouer à ça. Puis même en mode facile, puis même s'il y aurait eu, les bons paramètres pour le mode normal, j'aurais quand même trouvé ça plate parce que le jeu comme tel est mal fait. Tu bats les mêmes bébites. Ouais, c'est ça. C'est sans arrêt. Répétitif, là. C'est, ça vient ennuyant. C'est ça. C'est tellement répétitif. Puis t'as pas vraiment, je veux dire, à normal, t'aurais probablement une progression dans difficulté. Ouais. Mais là, à facile, la progression est quasi inexistante. Donc vraiment, ce jeu-là, dépensez pas du tout pour ça, vraiment, vraiment pas. À proscrire. Puis si vous voulez un bon jeu, là, j'y ai pensé, puis j'aimerais ça qu'on en fasse la critique bientôt à Rétro Nouveau. On va parler de Sin and Punishment. Ouais. Parce que c'est vraiment un bon jeu. Moi, j'ai la version Nintendo 64 sur ma console, oui. Puis en plus de ça, la version Wii qui a été faite par la suite, il y a eu pas un remake, mais une suite à Sin and Punishment qui a été pratiquement oubliée du public. Ouais. Donc on en parlera, ça c'en est un bon. Puis il y a aussi évidemment Star Fox 64 qui s'en vient sur la 3DS. Ces jeux-là, dans le genre, c'est beaucoup meilleur. Panzer Dragoon aussi était quand même assez c'est bon. C'est toute une série ça, les Panzer Dragoon. C'est gros. Ça vous tente de rapper vos réels. Pour quelque chose, achetez-vous un Panzer Dragoon saga sur la Saturn, puis la Saturn, vous n'êtes pas sorti du bois. C'est vrai, il y en a en tabarnouche. Donc, c'est ça, achetez pas ça. Hey, c'est bien dommage, hein, parce qu'on a fait deux chroniques Rétro Nouveau, on est jusqu'à date, puis les c'est deux c'était le prochain. On promet que le prochain, ça va être bon. Là. Ouais, on va trouver du bon stuff. Ben, on a vos suggestions, Splatterhouse et puis tout ça. Ouais. Écoute, on va avoir du plaisir. Mais aussi, c'est que là, je voulais aussi parler d'un jeu plus récent, Tears of Vengeance. Ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti. Fait que je me suis dit, on va en parler. Il y a Elevator Action aussi qui s'en vient. On va en parler. Ouais. On va parler de nouveaux jeux qui s'en viennent, des jeux assez récents aussi. Moi, j'ai acheté du stock sur eBay aussi dernièrement, que je vais recevoir dans une semaine et demie, quelque chose comme ça. Ça fait que j'en sais Atari aussi qui s'en viennent. Ouais, puis je vais essayer de se... Là, ça fait deux jeux d'Atari, là, donc ouais. Moi, je vais switcher un peu la prochaine fois. Je vais switcher de console. Yes. Donc, voilà. Fait que voilà, fait que en tout cas, c'est ce qui conclut ce quatrième épisode. Épisode très rapide, ma foi, parce qu'on a, on a eu des petits problèmes de micro et puis ça nous a grugé tel un yard sur un shield du temps d'antenne, puis il faut qu'on retourne travailler. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Dominique. Ben non, pas vraiment. Je vais aller voir. On va aller voir le Twitter puis le Facebook puis continuer à nous suivre là-dessus puis à faire vos suggestions. Ça nous fait très plaisir. Puis on se revoit très bientôt. Yes, short and sweet. Yes. Salut. Salut. Là. Retro Nouveau.